Huitième chapitre. Après-midi, Cobus se rendit à la brasserie du Grand Cerf et retrouva là ses vieux camarades, Frédéric Schultz, Hahn et les autres, en train de faire leur partie de joker, comme tous les jours, de 1 à 2 heures, depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Naturellement, ils se mirent tous à crier « Hé, Cobus, voici Cobus !» Et chacun s'empressa de lui faire place. Lui, tout riant et jubilant, distribuait des poignées de main à droite et à gauche. Il finit par s'asseoir au bout de la table, en face des fenêtres. La petite Lottchen, le tablier blanc en éventail sur sa jupe rouge, vint déposer une chope devant lui. Il la prit, la leva gravement entre son œil et la lumière, pour en admirer la belle couleur d'ambre jaune, souffla la mousse du bord et but avec recueillement, les yeux à demi fermés. Après quoi il dit « Elle est bonne !» et se pencha sur l'épaule du grand Frédéric pour voir les cartes qu'il venait de lever. C'est ainsi qu'il rentra simplement dans ses habitudes. « Du trèfle, du carreau, coupez l'as !» criait Schultz. « C'est moi qui donne !» faisait Hahn en ramassant les cartes. Les verres cliquetaient, les canettes tintaient, et Fritz ne songeait pas plus alors au vallon de Meisenthal qu'au Grand Turc. Il croyait n'avoir jamais quitté Hunebourg. À 2 heures entra monsieur le professeur Speck, avec ses larges souliers carrés au bout de ses grandes jambes maigres, sa longue redingote marron et son nez tourné à la friandise. Il se découvrit d'un air solennel et dit « J'ai l'honneur d'annoncer à la compagnie que les cigognes sont arrivées !» Aussitôt les échos de la brasserie répétèrent dans tous les coins « Les cigognes sont arrivées ! Les cigognes sont arrivées !» Il se fit un grand tumulte. Chacun quittait sa chope à moitié vide pour aller voir les cigognes. En moins d'une minute, il y avait plus de 100 personnes, le nez en l'air devant le grand cerf. Tout au haut de l'église, une cigogne, debout sur son échasse, ses ailes noires repliées au-dessus de sa queue blanche, le grand bec roux incliné d'un air mélancolique, faisait l'admiration de toute la ville. Le mâle tourbillonnait autour et cherchait à se poser sur la roue où pendaient encore quelques brins de paille. Le rébé David venait aussi d'arriver et regardant, son vieux chapeau penché sur la nuque, il s'écriait « Elles arrivent de Jérusalem, elles se sont reposées sur les pyramides d'Égypte, elles ont traversé les mers !» Tout le long de la rue devant la halle, on ne voyait que des commères, de vieux papas et des enfants, le cou replié dans une sorte d'extase. Quelques vieilles disaient en s'essuyant les yeux « Nous les avons encore revues une fois !» Cobus, en regardant tous ces braves gens, leurs mines attendries et leurs attitudes émerveillées, pensait « C'est drôle comme il faut peu de choses pour amuser le monde !» Et la figure émue du vieux rabbin surtout le mettait de bonne humeur. « Eh bien, Rebbe, eh bien !» lui dit-il. « Ça te paraît donc bien beau ?» Alors l'autre, abaissant les yeux et le voyant rire, s'écria. « Tu n'as donc pas d'entrailles ? Tu ne vois donc partout que des sujets de moquerie ? Tu ne sens donc rien ? Ne crie pas si haut, Schaud, tout le monde nous regarde. Et s'il me plaît de crier haut ? S'il me plaît de te dire tes vérités, s'il me plaît !» Heureusement, les cigognes, après un instant de repos, venaient de se remettre en route pour faire le tour de la ville et prendre possession des nuages de Hunebourg. Et toute la place, transportée d'enthousiasme, poussait un cri d'admiration. Les deux oiseaux, comme pour répondre à ce salut, tout en planant, faisaient claquer leur bec, et une troupe d'enfants les suivait dans la rue des Capucins, criant « Trariro, l'été vient encore une fois ! You, you, l'été vient encore une fois !» Cobus alors rentra dans la brasserie avec les autres, et jusqu'à 7 heures, il ne fut plus question que du retour des cigognes et de la protection qu'elles étendent sur les villes où elles nichent, sans parler d'une foule d'autres services particuliers à une bourre, comme d'exterminer les crapauds, les couleuvres et les lézards, dont les vieux fossés seraient infestés sans elles. Et non seulement les fossés, mais encore les deux rives de la Lauter, où l'on ne verrait que des reptiles, si ces oiseaux n'étaient pas envoyés du ciel pour détruire la vermine des champs. David Zichel étant aussi entré, Fritz, pour se moquer de lui, se mit à soutenir que les Juifs avaient l'habitude de tuer les cigognes et de les manger à la Pâque avec l'agneau pascal, et que cette habitude avait causé jadis la grande plaie d'Égypte, où l'on voyait des grenouilles en si grand nombre qu'elles entraient par les fenêtres et qu'il vous en tombait même par les cheminées, de sorte que les pharaons ne trouvèrent d'autre moyen pour se débarrasser de ce fléau que de chasser les fils d'Abraham du pays. Cette explication exaspéra tellement le vieux Rébé qu'il déclara que Cobus méritait d'être pendu. Alors Fritz fut vengé de l'apologue de l'âne et des chardons. De douces larmes coulèrent sur ses joues, et ce qui mit le comble à son triomphe, c'est que le grand Frédéric Schultz, âne et le professeur Speck s'écrièrent qu'il fallait rétablir la paix, que deux vieux amis comme David et Cobus ne pouvaient rester fâchés à propos de cigognes. Ils proposèrent à Fritz de rétracter son explication, moyennant quoi David serait forcé de l'embrasser. Il y consentit. Alors David et lui s'embrassèrent avec attendrissement, et le vieux Rébé pleurait, disant que sans le défaut qu'il avait de rire à tort et à travers, Cobus serait le meilleur homme du monde. Je vous laisse à penser le bon sang que se faisait l'ami Fritz de toute cette histoire. Il ne cessa d'en rire qu'à minuit, et même plus tard il se réveillait de temps en temps pour en rire encore. On irait bien loin, pensait-il, pour trouver d'aussi braves gens qu'à Hunebourg. Ce pauvre Rébé David est-il honnête dans sa croyance? Et le grand Frédéric, quelle bonne tête de cheval! Et Hans, comme il glousse bien! Quel bonheur de vivre dans un pareil endroit! Le lendemain, à 8 heures, il dormait encore comme un bienheureux, lorsqu'une sorte de grincement bizarre l'éveilla. Il prêta l'oreille et reconnut que le rémouleur Hickebeck était venu s'établir comme tous les vendredis au coin de sa maison pour repasser les couteaux et les ciseaux de la ville, chose qui l'ennuya beaucoup car il avait encore sommeil. À chaque instant, le babillage des commères venait interrompre le sifflement de la roue, puis c'était le caniche qui grondait, puis l'âne qui se mettait à braire, puis une discussion qui s'engageait sur le prix du repassage, puis autre chose. « Que le diable t'emporte !» pensait Cobus. « Est-ce que le bourgmestre ne devrait pas défendre ces choses-là ? Le dernier paysan peut dormir à son aise, et le bon bourgeois sont éveillés à 8 heures par la négligence de l'autorité. » Tout à coup, Hickebeck se mit à crier d'une voix nasillarde. « Couteau, ciseaux à repasser !» Alors il n'y tint plus et se leva furieux. « Il faudra que je parle de cela, » se dit-il. « Je porterai l'affaire devant la justice de paix. Ce Hickebeck finirait par croire que le coin de ma maison est à lui. Depuis 45 ans qu'il nous ennuie tous, mon grand-père, mon père et moi, c'est assez. Il est temps que cela finisse. » Ainsi rêvait Cobus en s'habillant. L'habitude de dormir à la ferme sans autre bruit que le murmure du feuillage l'avait gâté. Mais après le déjeuner, il ne songeait plus à cette misère. L'idée lui vint de mettre en bouteille 2 tonnes de vin du Rhin qu'il avait acheté l'automne précédent. Il envoya Cattel chercher le tonnelier et se revêtit d'une grosse camisole de laine grise qu'il mettait pour vaquer aux soins de la cave. Le père Speyer arriva, son tablier de cuir aux genoux, le maillet à la ceinture, la tarière sous le bras et sa grosse figure épanouie. « Eh bien, monsieur Cobus, eh bien » fit-il, « nous allons donc commencer aujourd'hui ?»« Oui, père Speyer, il est temps, Le Marco Brunner est en fuite depuis 15 mois et le Steinberg depuis 2 ans. Bon, et les bouteilles? Elles sont rincées et égouttées depuis 3 semaines. Oh, pour les soins à donner au noble vin, dit Schweyer, les Cobus s'y entendent de père en fils. Nous n'avons donc plus qu'à descendre. Oui, descendons. Fritz alluma une chandelle dans la cuisine. Il prit une anse du panier à bouteilles. Schweyer empoigna l'autre et ils descendirent à la cave. Arrivés au bas, le vieux tonnelier s'écria « Quelle cave, comme tout est sec ici. Qu'elles sont claires. Ah, monsieur Cobus, je l'ai dit 100 fois, vous avez la meilleure cave de la ville. » Puis, s'approchant d'une tonne et la frappant du doigt, « Voici le Marco Brunner, n'est-ce pas ?»« Oui, et celui-là, c'est le Steinberg. » »« Bon, bon, nous allons lui dire 2 mots. » Alors, se courbant la tarière au creux de l'estomac, il perça la tonne de Marco Brunner et poussa lestement le robinet dans l'ouverture, après quoi Cobus lui passa une bouteille qu'il emplit et qu'il boucha. Fritz enduisit le bouchon de cire bleue et posa le cachet. L'opération se poursuivit de la sorte, à la grande satisfaction de Cobus et de Schweyer. « Hé, hé, hé ! » faisait-il de temps en temps. « Reposons-nous. »« Oui, et buvons un coup !» disait Fritz. Alors, prenant le petit gobelet sur la bonde, il se rafraîchissait d'un verre de cet excellent vin et se remettait ensuite à l'ouvrage. Toutes les précédentes fois, Cobus, après 2 ou 3 verres, se mettait à chanter d'une voix terriblement forte de vieux airs qui lui passaient par la tête, tels que le Miserere, l'hymne de Gambrinus ou la chanson des 3 hussards. « Cela résonne comme dans une cathédrale, » faisait-il en riant. « Oui, » disait Schweyer, « vous chantez bien. C'est dommage que vous n'ayez pas été de notre grande société chorale de Johannisberg. On n'aurait entendu que vous. » Il se mettait alors à raconter comme de son temps, il y avait de cela 35 à 40 ans, il existait une société de tonneliers amateurs de musique dans le pays de Nassau, que, dans cette société, on ne chantait qu'avec accompagnement de tonnes, de tonneaux et de brocs, que les canettes et les chopes faisaient le fifre et que les foudres formaient la basse, qu'on n'avait jamais rien entendu d'aussi moelleux et d'aussi touchant, que les filles des maîtres tonneliers distribuaient des prix à ceux qui se distinguaient et que lui, Schweyer, avait reçu 2 grappes et 1 coupe d'argent à cause de sa manière harmonieuse de taper sur 1 tonne de 53 mesures. Il disait cela tout ému de ses souvenirs, et Fritz avait peine à ne pas éclater de rire. Il racontait encore beaucoup d'autres choses curieuses et célébrait la cave du grand-duc de Nassau, laquelle, disait-il, « renferme des vins précieux, dont la date se perd dans la nuit des temps. » C'est ainsi que le vieux Schweyer égayait le travail. Ses propos joyeux n'empêchaient pas les bouteilles de se remplir, de se cacheter et de se mettre en place. Au contraire, cela se faisait avec plus de mesure et d'entrain. Cobus avait l'habitude d'encourager Schweyer lorsque sa gaieté venait à se ralentir, soit en lui lançant quelques bons mots, ou bien en le remettant sur la piste de ses histoires. Mais en ce jour, le vieux tonnelier crut remarquer qu'il était préoccupé de pensées étrangères. 2 ou 3 fois, il essaya de chanter. Mais après quelques ronflements, il se taisait, regardant un chat s'enfuir par la lucarne, un enfant se pencher curieusement pour voir ce qui se passait dans la cave, ou bien écoutant les sifflements de la pierre du rémouleur, les aboiements de son caniche ou telle autre chose semblable. Son esprit n'était pas dans la cave, et Schweyer, naturellement discret, ne voulut pas interrompre ses réflexions. Les choses continuèrent ainsi 3 ou 4 jours. Chaque soir, Fritz allait à son ordinaire faire quelques parties de joker au grand cerf. Là, ses camarades remarquaient également une préoccupation étrange en lui. Il oubliait de jouer à son tour. « Allons donc, Cobus, allons donc, c'est à toi !» lui cria le grand Frédéric. Alors il jetait sa carte au hasard, et naturellement il perdait. « Je n'ai pas de chance », se disait-il en rentrant. Comme Schweyer avait de l'ouvrage à la maison, il ne pouvait venir que 2 heures par jour, le matin ou le soir, de sorte que l'affaire traînait en longueur, et même elle se termina d'une façon singulière. En mettant le Steinberg en Perse, le vieux tonnelier s'attendait à ce que Cobus allait, comme toujours, emplir le gobelet et le lui présenter. Or Fritz, par distraction, oublia cette partie importante du cérémonial. Schweyer en fut indigné. « Il me fait boire de sa piquette, se dit-il, mais quand le vin est de qualité supérieure, il le trouve trop bon pour moi. » Cette réflexion le mit de mauvaise humeur, et quelques instants après, comme il était baissé, Cobus ayant laissé tomber 2 gouttes de cire sur ses mains, sa colère éclata. « Monsieur Cobus, dit-il en se levant, je crois que vous devenez fou. Dans le temps, vous chantiez le Miserere, et je ne voulais rien dire, quoique ce fût une offense contre notre sainte religion, et surtout à l'égard d'un vieillard de mon âge. Vous aviez l'air de m'ouvrir en quelque sorte les portes de la tombe, et c'était abominable quand on considère que je ne vous avais rien fait. D'ailleurs, la vieillesse n'est pas un crime. Chacun désire devenir vieux. Vous le deviendrez peut-être, monsieur Cobus, et vous comprendrez alors votre indignité. Maintenant, vous me faites tomber de la cire sur les mains par malice. » « Comment par malice ? » s'écria Fritz, stupéfait. « Oui, par malice. Vous riez de tout. Même en ce moment, vous avez envie de rire. Mais je ne veux pas être votre Hanswurst. Entendez-vous ? C'est la dernière fois que je travaille avec un braque de votre espèce. » Hanswurst, polichinelle allemand. Se disant, Schweyer détacha son tablier, prit sa tarière et gravit l'escalier. La véritable raison de sa colère, ce n'était ni le Miserere, ni les gouttes de cire, c'était l'oubli du Steinberg. Cobus, qui ne manquait pas de finesse, comprit très bien le vrai motif de sa colère, mais il ne regretta pas moins sa maladresse et son oubli des vieux usages, car tous les tonneliers du monde ont le droit de boire un bon coup du vin qu'ils mettent en bouteille, et si le maître est là, son devoir est de l'offrir. « Où diable ai-je la tête depuis quelque temps ?» se dit-il. « Je suis toujours à rêvasser, à bâiller, à m'ennuyer. Rien ne me manque et j'ai des absences. » « C'est étonnant. Il faudra que je me surveille. » Cependant, comme il n'y avait pas moyen de faire revenir Schweyer, il finit de mettre son vin en bouteille lui-même, et les choses en restèrent là.